connais le boule de leur femme, mais pas le goût de leur cam. Les démons, et je veux pas connaître le bout de leur flamme. Et j'en ai marre, car les ex-victimes, nouveaux gendarmes, se croient dans des films et se prennent pour le FBI. Des confrontations avec eux à l'heure où les gens dorment. Mais les femmes keufs, lesbiennes, oublient qu'elles sont des biatches. Les naïfs sous-estiment parce que je peux pas avoir, mais je parle même plus. Et celui qui veut tester va avoir. Je connais des poucaves quand elle m'a rendu service au pays, qui méritent la Légion d'honneur. Mais t'inquiète, ils vont payer tôt ou tard. Et je connais des imbéciles qui consomment la coke pour faire comme Tony Montana, comme les potes ou comme l'époque. Et les petits pièves du whisky, aussi vieux que 12 ans d'âge. Et ceux qui n'y touchent pas paraissent vieux jeux. Les batrains qu'ont des videurs n'agissent jamais tout seuls, mais dorment avec la tête sous l'oreiller et le slip tout sale. Et les petits pièves du whisky, aussi vieux que 12 ans d'âge. Et ceux qui n'y touchent pas paraissent vieux jeux. Les batrains qu'ont des videurs n'agissent jamais tout seuls, mais dorment avec la tête sous l'oreiller et le slip tout sale. Hardcore, ouais, boss, le décor dès le premier contact. Direct de la street, nos blases gravées sur du marbre. Du vécu, des putains d'histoires, n'attends pas de mirage. Talking sur le beat, toujours avant de combattre. Hardcore, ouais, boss, le décor dès le premier contact. Direct de la street, nos blases gravées sur du marbre. Du vécu, des putains d'histoires, n'attends pas de mirage. Comme Walt Taylor, Cookie, transpire l'asphalte, l'asphalte. Écoute fils, écoute cette putain de prose, écoute fils. C'est nos vies qu'on pose sur la feuille, sur le beat. On lâche pas le morceau comme un arraché de beat. On décrit notre quotidien sans état d'âme, sans larmes. Sans pour autant lâcher les armes, lâche du lest pour pas péter le câble. Devant les flics, te mets pas à table. Tu mets pas à quatre pattes si tu veux qu'on te traite comme un homme. Écarte pas les fesses, même pour de grosses lasses. Bonhomme ou plus bas de cette putain d'échelle sociale. Normal que les familles stressent, c'est dû au manque de thunes. Pour 1000 euros net, tu te casses le cul. C'est ça la vie, mais que veux-tu? Que vends-tu? De la drogue, tu merde, j'avais pas vu ta devanture. Question de survie, rien n'est moins sûr. De mauvaises excuses dans les bouches des vantards. Dans le ticard, c'est plein de bâtards et très peu de lascars. De mauvaises excuses dans les bouches des vantards. Dans le ticard, c'est plein de bâtards et très peu de lascars. Lascars, lascars, lascars. Ouais, boss, le décor dès le premier contact. Direct de la street, nos blases gravées sur du marbre. Du vécu, des putains d'histoires, n'attends pas de mirage. Talking sur le beat, toujours avant de combattre. Hardcore, ouais, boss, le décor dès le premier contact. Direct de la street, nos blases gravées sur du marbre. Du vécu, des putains d'histoires, n'attends pas de mirage. Comme Walt Taylor, Cookie, transpire l'asphalte, l'asphalte. Le décor dès le premier contact. Direct de la street, nos blases gravées sur du marbre. Du vécu, des putains d'histoires, n'attends pas de mirage. Talking sur le beat, toujours avant de combattre. Hardcore, ouais, boss, le décor dès le premier contact. Direct de la street, nos blases gravées sur du marbre. Du vécu, des putains d'histoires, n'attends pas de mirage. Comme Walt Taylor, Cookie, transpire l'asphalte. Hardcore, ouais, boss, le décor dès le premier contact. Direct de la street, nos blases gravées sur du marbre. Du vécu, des putains d'histoires, n'attends pas de mirage. Talking sur le beat, toujours avant de combattre. Hardcore, ouais, boss, le décor dès le premier contact. Direct de la street, nos blases gravées sur du marbre. Du vécu, des putains d'histoires, n'attends pas de mirage. Comme Walt Taylor, Cookie, transpire l'asphalte, l'asphalte, l'asphalte, l'asphalte, l'asphalte.